sont les meilleures équipes. Ils tirent leur best Mannschaften. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Grenouille 88.8 à Marseille. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou, un épisode, mon cher Brett, que nous avons choisi d'appeler Noël the Great, puisque joyeux Noël, mon cher Brett. Joyeux Noël, mon cher Manuel. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à l'équipe. Joyeux Noël à Radio Grenouille. C'est un temps de fête et nous allons vous offrir une émission de fête consacrée à Noël, comme vous avez pu le comprendre, avec la petite référence au Père Noël Le Graët qui interviendra dans l'émission. Un dispositif de classe, bien sûr, aujourd'hui, comme d'habitude, avec Dundee. Bonjour Dundee. Bonsoir à tous et joyeux Noël. Et une fois n'est pas coutume, Magic, vous êtes en plateau pour ce début d'émission. Vous êtes avec nous, vous n'êtes pas en duplex d'un tel ou tel stade. Comment allez-vous ? Non, j'ai pour la première année depuis, pour la première fois depuis 30 ans, je pense, je ne ferai pas le championnat d'Angleterre durant ces vacances de Noël. Et donc, the Boxing Day, c'est fini pour moi. Et oui, parce que le Boxing Day... Mon cher Brett, c'est pour le coach Luc cette année. Tout à fait, le coach Luc est à Londres et c'est lui qui s'y colle pour une fois. Le voyage a dû être superbe. Bah, le voyage a dû être superbe, on va en reparler dans ce début d'émission du coach. Mais on peut aussi parler du docteur qui va nous rejoindre à un moment donné. Je crois qu'il est sur une plage d'Oléron pour passer les pour fêtes. Digérer. Pour digérer certainement de ce merveilleux repas qu'il a dû concocter pour sa petite famille. Fin cuisinier, le docteur. Ah, tout à fait, on le retrouve tout à l'heure pour sa célèbre chronique. Ce sera une chronique chantée, puisqu'on va pas mal chanter, Brett, tout au long de cette émission. C'est Noël, évidemment. Nous allons chanter, donner de la voix et de la joie. Et un sommaire riche, riche en chroniques, en lettres. Et vous nous en dites deux mots de ce sommaire, mon cher Brett ? Bah, tout à fait. Donc nous avons, puisque c'est la période, nous avons tenté de contacter donc le Père Noël Le Graët, qui nous a gentiment répondu. Donc Dundee s'est collé à la lettre allée et on vous lira ça tout à l'heure. Nous avons aussi une investigation toute particulière de Magic, qui s'est attaqué lui directement au vrai Père Noël. On a quelques retours d'interview à vous communiquer. Et puis, une chronique du docteur sur un chant de Noël à sa sauce. À sa sauce, je crois qu'il a répondu plus ou moins à la croquine du coach. Croquine qui sera chantée, vous le verrez. Et le coach, puisqu'on l'évoque, donc c'est notre envoyé spécial au Boxing Day. Il nous fera certainement un grand retour sur ça en début d'année prochaine. Moi, je voulais l'évoquer en ce début d'émission et peut-être un peu par lui-même provoquer le premier instant moutarde de ce Noël The Great, des bâtons d'Anguirou spécial Noël. Puisque vous le savez, le coach est un fin gourmet. Difficile pour lui de passer tout un match de football sans un petit en cas. Et alors, je suis allé regarder sur un blog dijonnais ce qu'on pouvait nous proposer pour... pareille occasion, et bien la solution première proposée par les Dijonais, c'est le club sandwich thon moutarde. Et là, Dundee, je me rappelle que vous avez vécu un sale moment avec le coach à l'arrière d'une voiture suite à un sandwich au thon. Ah oui, alors c'est très bel, très beau souvenir. Merci Manuel, vous mettez en danger puisque bon, je ne donnerai pas le nom de l'auteur de ce sandwich et de sa fabuleuse recette, mais effectivement le coach a eu quelques problèmes, petits problèmes gastriques et c'était bien une roucoulade du ventre qu'on entendait à l'arrière de la voiture de la part de notre ami le coach. Donc attention, coach, si tu nous entends, au sandwich au thon moutarde. Alors c'est pour ça que nous avons demandé à Marie qui a monté sa petite entreprise qui s'appelle Tablé, une cuisinière haut de gamme qui est un petit peu la cuisinière du dispositif des bâtons d'Anguirou. Et qui nous propose pour le coach sa recette, le British Sandwich Gigot Moutarde. Alors, pour un sandwich, un pain libanais mi-moelleuse, le reste d'un gigot d'agneau gratté sur l'os, un yaourt, une demi-gousse d'ail hachée, quelques feuilles de menthe, une cuillère de moutarde et du sel et du poivre, bien sûr. Alors, on mélange pour la sauce les ingrédients, yaourt, moutarde, sel, poivre, menthe. On étale tout ça sur la mi-moelleuse, on répartit l'agneau. On arrose de nouveau de sauce blanche et on déguste assis, mais très tonique, sur le canapé avec une bonne IPA, comme on dit maintenant. Voilà la recette proposée par Marie au coach. J'espère que il saura la faire. Il est déjà dessus. Je suis sûr qu'il est déjà sur le. Il est déjà sur la table de travail de la cuisine. Brett, on démarre cette émission tout de suite avec la lettre au Père Noël. Ben oui, la parole revient à Dondé qui va nous lire la missive qu'il a fait envoyer au Père Noël Le Grette. Père Noël, bien sûr. Père Noël Le Grette. Père Noël Le Grette. Mon cher Père Noël, je m'appelle Dondé et je fais partie du dispositif des bâtons d'Anguirou dont tu as peut-être entendu parler à la radio ou à la télé. Depuis que nous sommes diffusés à Dijon, nous nous sommes rapprochés de ta maison. Et nous avons bon espoir que tu nous écoutes tous les samedis à 18h quand tu as fini de couper du bois pour te réchauffer dans ton grand chalet en Suisse. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons accepté la proposition de notre radio manager Julien, qui a été très sage avec nous, et de Seb, qui s'occupe du son pour nous. Peux-tu lui offrir une table de mixage, s'il te plaît, et à Julien un réveil matin? Est-ce que la mère Noël va bien? On m'a dit que ton petit lutin Valbuena était très gentil et qu'il avait une gentille coupe de cheveux. J'en profite pour te dire que la Bourgogne est très sage elle aussi. Malgré son penchant sécessionniste, on ne l'entend jamais faire d'histoire, même lorsqu'elle a été annexée par la Franche-Comté en janvier 2016. Noël, joyeux Noël, bonne cuvée aux Bourguignons. Ce soir on ouvre un bon romané. Ce soir ensemble on va trinquer. Petit Père Noël, pour Noël, je veux 7 mobilettes pour partir cet été avec mes copains de débattant d'Anguirou à la recherche de Zato, le plus grand supporter du monde dont on a perdu la trace en 2009, pour faire un grand sujet radiophonique la dernière semaine de juillet. Oui, 7 mobilettes, comme les 7 nains, tu as bien entendu. Je ne t'en demande que 7 parce qu'il faut qu'il en reste pour les autres enfants de la planète. N'essaie pas de m'embrouiller, Père Noël, j'en ai compté une de plus au cas où pour Pascalou qui veut faire un documentaire sur notre périple qui commencera avec une première étape à Alès, car c'est là que Zato est né. Si on peut, on dormira chez Flag et Dounia, ou dehors si on peut pas. Et pense à apporter une mobilette à Coach Luc, même s'il a un 125, on sait jamais ce qu'il peut se passer. J'ai chiffré, si tu les trouves d'occasion, ça te coûtera 2000 euros avec un plein offert. À moins que tu les fabriques toujours toi-même, mais je te le conseille pas. Même si je ne suis plus un petit garçon, je reste quand même un adulte très sage. J'ai bien travaillé cette année au travail et à l'école parce que j'ai repris mes études et ça s'est bien passé. Tous mes copains sont sages ou essaient de l'être. Notre groupe est composé d'individus honnêtes, globalement conscients du réchauffement climatique et toujours prêts à aider la veuve et l'orphelin et même les Palestiniens depuis que notre cher animateur Magic y a été en novembre. Donc si les mobilettes roulent à l'éthanol, c'est tant mieux. Cher petit Père Noël, c'est la première fois que nous t'écrivons depuis ton élection à la tête de la Fédération Française de Football en 2011. Je le fais en cachette parce que mes amis n'aiment pas trop les magouilleurs. Depuis ton élection, nous savons que tu es le Sami de tout le monde, des gentils comme des méchants. C'est un beau cadeau que tu as fait à Raymond Domenech en votant pour son maintien au poste de sélectionneur de l'équipe de France après l'Euro 2008. C'est sûrement parce que Raymond avait été très sage en demandant à Estelle de l'épouser à la télé. C'est un très beau cadeau que tu as fait à Sepp Blatter en votant pour lui au congrès de la FIFA en 2015 alors qu'il est cité dans plusieurs affaires de corruption. Les bons cadeaux font les bons samis, c'est ainsi. Alors nous aussi nous voulons être tes samis si tu vois ce que je veux dire. Et tu veux pas qu'on te fasse chanter des Didier Deschamps de Noël et qu'on te casse tes lunettes en prime de match comme un bon vieux Boxing Day. Noël, joyeux Noël, y a pas que le fric dans la vie. Les samis, nos samis sont nos samis. Un bon sami, c'est pour la vie. Au fait, cher Père Noël, j'ai oublié de te demander un dernier tout petit cadeau. Je sais que deux de tes petits lutins ont travaillé d'arrache-pied pour mettre sur pied et résumer un match qui me permettrait de prendre mon pied à la radio et d'offrir ce pied à tous les gentils travailleurs de Radio Grenouille et leurs auditeurs. Dis Père Noël, tu pourrais m'envoyer le résumé du match de Noël contre Joël en 90 phrases ? Ce serait le plus beau jour de ma vie. Dans l'attente de te lire sagement, gros bisous, tout le dispositif t'embrasse, bien à toi. Je te prie de recevoir 6 juin l'expression de mes hommages, en lien avec ton ramage et ton plumage. Dondé. Merci Dondé d'être la voix du dispositif des bâtons d'Anguirou dans nos demandes au Père Noël. Brett, est-ce qu'on peut résumer en fait un petit peu ce que dit la lettre de Dondé et ce qu'on demande cette année au Papa Noël ? Bah tout à fait, c'est finalement assez simple, c'était très enrobé, toujours Dondé. Mais en fait, tout simplement, Dondé commence par demander 7 mobilettes. Au Père Noël, ce qui est une belle demande, un beau cadeau. En même temps, nous sommes 7 concernés, donc c'est une mobilette par personne. Mm-hmm. C'est pas mal. Vous n'avez pas de mobilette vous-même, Magic, pour l'instant ? Alors, je dois demander en famille. Je pense pouvoir en trouver, mais il faut certainement les réparer. Là. Alors, en mécanique, on n'est pas hyper balèze, nous, mais on va essayer de se renseigner. Non, mais donc, si le Père Noël avait dans ses rebuts quelques mobilettes qui traînaient, évidemment. Elles ne sont pas volées, ces mobilettes, Magic. Non, du tout. Non. Et la deuxième demande de Dondé est une demande un petit peu particulière, c'est le résumé d'un match de foot, un match extraordinaire, qui est Noël versus Joël. C'est un match historique, hein. c'est un match historique. Qui a marqué un match fondateur. Oui, qui a fondé, on peut déjà le révéler un petit peu à nos auditeurs. On peut totalement révéler qu'il est un peu à l'origine de l'esprit de Noël, finalement. Exactement. Un match rare où il y a peu de traces, donc seul le Père Noël, je crois, a quelques enregistrements. Bah écoutez, on verra au fil de cette émission si le Père Noël nous a entendu et s'il nous exauce cette année. C'est vrai que nous avons été particulièrement sages. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait et d'être le plus on va dire précis et de bonne humeur, et de bonne humeur, ça c'est vrai, pas totalement insolent tout le temps. Et il y a une petite demande aussi qui concerne Radio Grenouille quand même, c'est vrai, une table de mixage et un réveil matin pour Julien qui dort encore d'ailleurs, je crois. Alors Magic, ça va être à vous maintenant d'officier. Vous êtes pour nous allé rencontrer le Père Noël. Tout à fait. Et tout au long de cette émission, un peu, vous allez nous raconter comment vous allez percer le secret un peu de cet homme vraiment très très mystérieux. Et on va commencer, je crois, par entendre un extrait, l'extrait d'une interview fleuve que vous avez réalisé pour nous en Laponie, à son domicile. C'est une interview qui va faire grand bruit, je crois, mon cher Magic. Tout à fait, c'est une interview que j'ai menée directement auprès de lui. Alors, il a eu la gentillesse de nous accorder cette interview. Et puis, juste avant de commencer l'enregistrement, j'ai un petit peu discuté avec le Père Noël et je l'ai senti un peu inquiet. Alors, on s'est mis à parler et puis il me dit... écoutez, mon cher Magic, je n'ai jamais été très sincère dans toutes mes interviews. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer. Et alors, tout de suite, le ton de l'interview qui commencera va être extraordinaire. Et à la suite de cet enregistrement, eh bien, oui, je me suis rendu compte que il nous avait fait des révélations hallucinantes et qu'il va falloir, dans les prochaines semaines, décortiquer. Puisque vous allez le voir, je pense qu'on va l'entendre dès le premier extrait qu'on va passer, mais le Père Noël n'est pas un personnage comme les autres. C'est glacial, comme vous nous avez annoncé. On écoute ça tout de suite. Donc, vous avez accordé des milliers d'entretiens avec des journalistes du monde entier, et ce depuis de très nombreuses années. Vous en avez donné dès l'apparition de la radio, pas mal à cette époque-là déjà, et puis on vous a sollicité encore davantage avec l'émergence de la télévision et l'explosion aujourd'hui des chaînes de télé. Et durant toutes ces années, eh bien, vous avez à chaque fois été obligé de travestir quelque peu vos propos, n'est-ce pas ? Vos opinions en tout cas. Dites-nous pourquoi, cher Père Noël ? Oh ! C'est une très longue histoire. Je dirais simplement, pour la résumer, que bien qu'étant le Père Noël, je n'en demeure pas moins homme. Un homme pas tout à fait comme les autres, j'en conviendrai, mais un homme qui a, comme les autres, besoin de manger, de dormir et de tous les nécessaires pour vivre. Et À ce titre, je n'ai pas toujours eu la belle vie, en particulier au début du siècle dernier. Rappelez-vous, c'était une époque où les chrétiens étaient déjà de moins en moins chrétiens. Et à cette époque-là, il y avait déjà beaucoup de monde qui ne croyait plus en moi. Et par-dessus tout, il y avait la crise, une très profonde crise qui a fait mourir de faim de très nombreuses familles. Je parle bien sûr de la crise de 1929 aux États-Unis, mais qui aura très vite des répercussions dramatiques sur le reste de la planète. Moi-même, à cette époque, je suis touché de plein fouet, j'ai perdu de nombreux lutins que je n'ai pas pu nourrir à leur guise. Mes rennes étaient sous-nourries également et s'échappaient parfois dans la forêt pour aller trouver quelques herbes sèches pour pouvoir survivre. À ce moment-là, je m'en souviendrai toujours. Je me suis senti alors dans l'obligation de réagir, vous comprenez, parce que je voyais ma fin arriver. J'ai pensé à la mort, à me donner moi-même la mort, pour la première fois de ma très longue vie. Mais vous comprendrez, je suis resté fidèle, fidèle à mon créateur, n'est-ce pas, qui a dû entendre mes prières, puisque un jour j'ai vu débarquer devant ma maison un homme, un grand et un blond, avec une cigarette légèrement négligée posé sur ses lèvres et un grand chapeau. Oui, je me souviens du grand chapeau. Comme s'il était déjà chez lui, il est entré dans le jardin en ma direction et m'a tendu une bouteille remplie d'un liquide noir en me disant « Je suis sûr que vous n'avez jamais bu une boisson si goûtue. Disait-il Père Noël, Père Noël. » Il s'agit, je pense, vous l'aurez deviné, d'un représentant de la grande firme de Coca-Cola avec qui j'ai dû signer, sous le commandement de la nécessité, j'ai dû signer un contrat qui m'associait pour toujours à la marque Coca-Cola. Je crois que tout le monde connaît désormais cette chose. Eh bien, durant toutes ces années, je suis dans l'obligation de porter les couleurs de cette marque et de promouvoir publiquement une parole qui respecte les valeurs ultra-libérales de cette entreprise, désormais multi, mais alors multinationale. Voilà pourquoi j'ai été en quelque sorte un peu hypocrite durant toutes ces interviews dont vous parliez. Magic, c'est glacial en effet, la révélation du Père Noël dans cette première partie d'interview. Dondé, Brett, on le sent pied et poing liés sous le joug du capitalisme le plus glaçant, encore une fois. À tel point que j'ai d'abord cru que c'était Jean d'Ormesson qui répondait à la question de Magic. Et puis ensuite Raymond Barre, mais il a fallu se rendre à l'évidence, ah oui, c'était le Père Noël. On ne peut pas se tromper, puisqu'en plus on entend des scooters des neiges à un moment donné derrière, en fond. Donc vraiment, Puis il perd une flopée de lutins en 1929, donc on peut pas s'y tromper. Mais c'est la lie du capitalisme, affamer les gens, et bam, Coca-Cola derrière. Oui, mais scooter des neiges aussi, une fois que Coca-Cola fini les traîneaux à l'ancienne, quoi. Alors dans les semaines à venir, Magic, on va décortiquer bien sûr le reste de cette interview. On ne peut pas passer ça brut de pomme, il faut aussi un peu vérifier toutes ces informations. Bien sûr. Intox, désintox, on va faire le boulot, comme on dit. Ben oui, alors j'ai transmis l'ensemble de l'interview qui a duré de très très longues minutes à plusieurs journalistes de radio importantes. Ici, on va en traiter une certaine partie, donc toute la partie sur l'aspect financier de la relation du Père Noël au monde. Mais il y a aussi des aspects beaucoup plus, métaphysiques, puisqu'il semblerait, alors je sais que le début, je parle au conditionnel, mais il semblerait qu'il y ait un lien de parenté entre le Père Noël et un certain Jésus-Christ. Alors là, énorme. C'est Magic. Énorme pavé dans la mare. C'est les Père Noël X. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de Christmas X, quoi? Christmas X, Père Noël X. Donc, ouais, tout à fait, on peut parler de Père Noël X. Et puis, on va pouvoir avoir des révélations régulièrement, petit à petit, dans les semaines qui vont suivre. C'est dur. C'est chaud. Alors on va revenir un peu au football aussi, hein, puisqu'on parle de football dans des bâtons d'Anguirou assez régulièrement. C'est le coach Luc qui va nous ramener sur terre avec sa traditionnelle croquine qui sera chantée. Et il va, je crois, mon cher Brett, nous indiquer que l'esprit de Noël souffle également sur l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait, avec une croquine qu'il a sobrement intitulée Ave Garcia, en hommage au nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia. On écoute. In my life, as I was making my way, I always ask the question, am I the most powerful person in the room? And the answer needed to be yes. To this day, I still ask that question, and the answer is still yes. In every room, in the entire world, the answer is yes. Ave Garcia. Aux âmes vos armes en furie. Orange, comme dans Olive et Tom. Je crois qu'ici sur le plateau, on like tous Coach Luc. On kiffe Coach. Merci pour ce Coach Luc, pardon, donné. Merci pour ce moment de pureté et de justesse qui sied bien à cette ambiance de Noël pour ce débattant d'Anguirou. Oui. Un petit côté Gainsbourg est mélangé avec... Il s'affirme comme chanteur à dimension internationale. Ouais. Il mêle un peu tous les styles, toutes les voix. Donc c'est quand même phénoménal. Moi, il me tire l'alarme à chaque fois qu'il pousse la chansonnette. L'usage du latin était assez incompréhensible, mais pas compris toutes les paroles, moi. Mais... En tout cas, on s'est élevé spirituellement, je trouve, avec le coach. Ouais, en ce moment de chanson qui n'était pas, on peut pas appeler ça une pause musicale dans ce débat ton Anguirou Noël the Great, mais un peu spirituel, en tout cas un peu spirituel. Mon cher Brett, nous avons en ce début d'émission lu notre lettre au Père Noël. Je crois que nous en avons eu la réponse. La réponse nous est arrivée dans notre petite et gentille jolie boîte aux lettres à Radio Grenouille. Voilà, et Noël Le Graët a pris le temps de nous répondre, le Père Noël Le Graët. Donc je vais vous lire sa réponse, assez lacunaire et familière, mais je vous laisse entendre. Mon cher Dandé, mais aussi chère équipe de débattons d'Anguirou, tout d'abord, merci beaucoup pour ta lettre, c'est cool, elle m'a fait très plaisir. Il m'arrive parfois de transpirer un peu dans ma culotte en néoprène quand j'ouvre ma boîte aux lettres en ce moment, mais ce matin, quand elle a fait son doux petit schling schling schling, ce fut encore une agréable surprise et la vie au chalet a repris sereinement. Bien sûr que je vous connais, Dondé, ton émission et toi. Rien de ce qui parle du ballon rond ne m'échappe, tu te doutes bien. Comme tu le dis, je suis le sami de tous les samis, et un bon sami doit s'enquérir du sort de tous ses samis. Je vous félicite, petit sacripant, je vous écoute dès que j'ai l'occasion. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'émission sur le bon samiricain McCourt et ses petits billets verts, prometteurs. Mais veillez à rester sage, ce serait dommage qu'il faille un jour vous péter les rotules, hein. Allez, venons-en à nos affaires, mon petit Dundee. Je sais que vous avez été sage, ou relativement. Et comme tu le dis dans ta lettre, je sais aussi faire des concessions aux grands enfants pas très sages. Malheureusement, je ne suis par contre pas concessionnaire en meule. Les mobilettes, c'est pas mon rayon. Tu sais que dans ce petit coin de Laponie suisse, c'est plutôt le vélo qui règne, ou carrément les Mercedes, les BM et les Jaguar. Et puis, Dondé, le mois de juillet en France, c'est le mois de la bicyclette, de la grande boucle, non? Vous ne rechignerez pas en bon sportif à chevaucher la petite reine. Et tu sais ce qu'on dit, jamais 203. Alors 7. Mais en effet, mon petit ami, vous avez été sage. Vous avez travaillé, presque tous, et œuvré comme nous au bien-être de nos concitoyens, et j'aimerais vous faire plaisir. Je pourrais vous envoyer 2000 euros si je me fie à ton savant calcul, mais reconnais-le, ce ne serait pas très joueur. Non, j'ai mieux pour vous. Puisque tu prenais de ces nouvelles, sache que le petit lutin Valbiche est très marqué par la perte de son téléphone portable. Sale coup, hein. Il boude, traîne ses petites pattes dans la neige et fait chambre à part dans le chalet, mais comme tu le dis, il est très gentil. Je pense qu'il ne verra aucun inconvénient à ce que vous utilisiez la bande sonore de cette fameuse vidéo sexuelle que je vais vous envoyer. Faites-en bon usage. Et puisse petit vélo vous faire gagner les mobilettes de vos rêves. Et je ne vais pas m'arrêter là, tu vois. Mon vice me reprend. J'ai la folie du cadeau. Puisque tu le souhaites, je vais vous offrir le récit du match des matchs, le combat des origines, la naissance de l'esprit de Noël. L'humanité a eu son Caïn versus Abel, Rome son Romulus versus Rémus, je vous donne moi, Noël versus Joël. Bim. Là encore, faites-en bon usage. Et puisque les bons cadeaux font les bons amis, continuez à croire en moi, je saurai garnir vos chaussettes. Mon cher Dondé, j'espère que tu comprendras et apprécieras mes cadeaux et que tu ne jugeras pas utile de me péter mes lunettes. Tu ferais bien, ça t'éviterait des glaçons sur la rondelle. Ce qui, si vous trouvez vos mobilettes, pourrait être une bonne chose pour toi. Et pour finir, je n'ai pas fait allusion à tes samis de grenouille. J'imagine que les fleuves majestueux valent les petits étangs. Les samis de mes samis étant mes samis, je donnerai à tes batraciens, crois-moi, qu'ils me fassent parvenir un joyeux courrier et pensent bien à mettre leur cuisseau sous le sapin. Je vous laisse, j'ai des cadeaux à faire à Mediapart. Joyeux Noël à vous, mes bons amis. Dondez, heureux dondez, qui croit encore au Père Noël, au divin nectar d'hydromel, au schtroumpf et à Gargamel. Bien, on remercie ici à Radio Grenouille le Père Noël, Noël The Great, de nous avoir répondu. Alors bon, pour l'instant, c'est une grosse déception selon les membres du dispositif concernant nos mobilettes. Ce ne sera pas par sa bielle que nous en obtiendrons, mais on va essayer d'en trouver. Par contre, un cadeau un peu étonnant. Visiblement, nous avons la cassette de cette vidéo sexuelle de Mathieu Valbuena. Alors, je ne sais pas si en technique on fait ce cadeau à nos auditeurs. On va voir. C'est un cadeau. Ah bon, on partage. C'est très très esprit de Noël. Eh bien, enfin, nous avons pu en savoir un peu plus. Ça nous fait avancer aussi sur cette affaire de la vidéo sexuelle de Valbuena. C'est dommage, on ne voit pas les images à la radio. Je ne sais pas si c'est dommage. Petit coquin magique. Ouais. Non, mais attendez, le moment où il saute pour attraper... Enfin, bref. Ouais. En tout cas, on sait qu'il n'était pas tout seul. Non. Eh bien, merci Père Noël pour ce cadeau. Tous nos auditeurs... vous remercie également et ont apprécié. Nous avons, dans ce début d'émission, par votre intermédiaire, Dondé, envoyé et lu notre lettre au Père Noël. Il nous a déjà répondu, nous a déjà envoyé notre premier cadeau et nous étions un petit peu déçus puisqu'il ne répond pas favorablement à notre principale demande qui est celle de nos 7 mobilettes. Par contre, il semblerait qu'il ait envoyé un cadeau bonus. Le résumé, je crois, d'un match célèbre et fameux dont vous allez nous dire deux mots. Bah c'est le match effectivement qui préfigure un petit peu le Noël. C'est un très vieux match. On avait perdu le manuscrit, on l'a retrouvé. Donc ça date, c'est proche de zéro en fait, ce match. Deux joueurs, Noël et Joël. Et donc, frères ennemis, je ne sais pas, en fait, on n'a pas l'explication de ce qui étaient ces deux joueurs. Il se trouve que, néanmoins, bon, premièrement, on joue au foot autour de l'an zéro. Et donc voilà, il y a eu un vrai travail qui a été fait de traduction, et c'est le cadeau qu'on a demandé, qu'on a eu, donc on était contents. Eh bien, on va écouter tout ça. Allez. Noël batifole au milieu du terrain. Et voici que Joël approche. Soyeux Noël. Joyeux Joël. Noël tient propre son carré de pelouse. Joël joue une main dans la poche. Noël était conduit à l'entrée de la surface. Joël veut le ballon. Sale temps pour Noël. Envoie, envoie, crie Joël. Noël tient bon malgré les coups. L'impatience de Joël nuit à ses équipiers. L'esprit de Noël vagabonde sur le bord de touche. Joël engueule ses équipiers. Malchance. Joël court, évitant les embûches. La main sur le visage, Noël cherche sa barbe. Joël se bat. Pas un nuage dans le ciel de Noël. Joël connaît Joël Batz par l'intermédiaire du cousin de sa belle-sœur surnommé Mam. Heureux Noël qui échappe à l'embûche. Joël fait un appel en profondeur. Noël a l'air insolide. Joël ne touche pas une bille. Noël en a plein les chaussettes. Joël tacle Noël. Personne pour supporter Noël. En ce moment, Joël est très jaloux de Noël. Descendez, crie Noël, il y a le feu. Joël imagine qu'il met un coup de genou à Noël. Ça sent le sapin pour Noël. Le ballon parvient à Joël qui s'en félicite. Noël ramonne. Fini les amuse-gueules, Joël se prend pour le roi mage d'air. Noël souffle et regarde au balcon. Joël se rend compte qu'il a complètement oublié de payer ses impôts. Noël trouve que Joël court comme une dinde. Attention Joël, arnaque aux impôts, Noël au cachot. Mauvaise passe de Noël qui se fait sonner les cloches. Joël centre directement en touche. Noël a le champ libre. Joël joue à 6 touches de balle et ralentit le jeu de son équipe. Coup du chapon pour Noël. Joël tire le maillot de Noël. Noël déplore la crédulité de l'arbitre. Ça y est, Joël met les coudes. Noël surveille Joël du coin de l'œil. Joël a une occasion énorme et glisse, quelle poisse. C'est bien Noël qui tient les rênes. Joël a toujours un temps de retard. Noël a des mots avec Joël. Joël n'est pas sage, il s'en prend à l'arbitre. Noël remarque que ça fait longtemps qu'il n'a pas touché la balle. À la mi-temps, Joël se rase avec un bic vert. Intervention peu catholique de Joël. Joël est dégoûté de voir que son équipe prend l'eau. Aïe aïe aïe, directement dans la perne. Joël rate un contrôle, ce qui provoque l'ire de son entraîneur. Le bruit du ballon sur la barre fait sursauter Noël. C'est de l'acharnement, dit Joël à Noël. Tu me marches sur le pied, Joël, c'est gosse Noël. C'est en voulant se rattraper que Joël provoque un pénalty contre son camp. Noël distribue des marrons dans la surface. Joël se fait petit dans ses petits souliers. Est-ce encore de mon âge, se demande Noël. Joël est au four et au moulin, mais Joël produit un mauvais pain. La chandelle de Joël laisse Noël songeur. Le père de Joël l'engueule. Et soudain, Noël voit 36 chandelles. Joël se place dans l'intervalle. Parfois, le but semble si loin à Noël. Personne ne propose de solution à Joël. Les harangues de ses coéquipiers galvanisent-elles Noël ? Joël est remplacé par Eric à la demande de son père. L'effet de Noël trompe le gardien. Joël met un coup d'épaule d'agneau à Noël en sortant. Hop, dans la boîte Noël. Joël a le foie gras, il sort sur une civière. Noël apprécie un instant la fraîcheur de la pelouse. Joël a l'estomac dans les talons mais manque de talent. Joël semble terriblement souffrir sur la civière, se dit Noël. Joël enlève son maillot et le jette au sol malgré le froid. La virgule de Noël tient du miracle. Le froid contracte les testicules de Joël. Il était certain que Noël n'apprécierait pas le petit pont Noël. Joël se gratte le cul dans la civière. C'est cadeau ça Noël. Joël renifle ses doigts en regardant Noël. Noël lève les bras au ciel. Joël passe sa main sous les selles. Alors j'ai l'impression que c'était traduit dans la langue de lutin facétieux un peu hein, ce parchemin. Mais magnifique cadeau du Père Noël aux auditeurs de Débattons d'Anguirou et à l'ensemble du dispositif. On va retrouver Magic maintenant. Magic qui a quitté le plateau. Magic qui, vous le savez, chers auditeurs, poursuit tout au long de cette émission son exploration du personnage le Père Noël, et là en l'occurrence exploration il y a Magic, vous êtes je crois en direct, c'est ça, en direct, dites-nous tout. Mon cher Manuel, chers auditrices, chers auditeurs, je suis actuellement à bord du gare où il faut, vaisseau submersible affrété par Radio Grenouille. Et c'est en direct du Père Noël que je vous parle. Depuis l'intérieur, j'ai décidé d'explorer et de comprendre pour vous, pour le dispositif, l'un des personnages les plus mystérieux qui soit. Ouais, Magic, racontez-nous ce que vous voyez. Je suis pas sûr que nos auditeurs comprennent bien la situation. Est-ce qu'on pourrait comparer votre expérience à celle du lieutenant Tuck Pendleton, une sorte de remake dans lequel Fernandel connaîtrait l'aventure intérieure du Père Noël? Manuel, c'est exactement ça. À ceci près que depuis l'endroit où je vous parle, le Père Noël me semble déjà pas fait comme tout le monde. Je m'attendais pour mes débuts à un long couloir un peu sombre, mais je pénètre déjà un dédale lumineux de salles vastes et moelleuses, des ambiances toutes différentes, mais pourtant toutes empreintes de bien-être et de sérénité. Alors Magic, pensez-vous pouvoir atteindre le but de votre mission? Je l'explique à nos auditeurs, il s'agit pour vous de percer le secret intime du Père Noël, prouver ou non la véracité de son super pouvoir. Je ne sais pas, Manuel. Ce que je découvre ici, au fur et à mesure, au fur et à mesure de mes avancées, est magnifique. Mes sensations sont absolument multiple. J'ai l'impression de voir mille images à la fois, d'entendre plus de musique entraînante qu'il est possible d'entendre, de sentir toutes les odeurs du monde, de parcourir les décors les plus merveilleux, c'est fou. Vous savez, cela me rappelle lorsque, enfant, j'avais été invité à visiter la collection particulière de Loulou Nicolin, ses milliers de maillots de football et autant de géographies différentes, voilà, autant d'odeurs sportives, c'est encore plus incroyable. Magic, continuez, approchez-vous enfin du centre névralgique du Père Noël. Est-ce que ça ressemble aux planches du manuel sur le corps humain qu'on a longuement étudié ensemble avant votre départ? En rien, Manuel, en rien, c'est incroyable, je crois que... Oui, je vois comme lui, je ressens comme lui, je vis le Père Noël, je respire le Père Noël, cet homme est finalement bon, il est magnifiquement beau. Où est-il, Magic, en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est partout, mon petit, je vois, oui, c'est ça, je vois les escalators du centre-bourse. Les enfants nous sourient. Nous les invitons à rentrer dans le magasin de slip Mathieu Valbuena. C'est extraordinaire, les gens sont heureux. Mais en même temps, oui, Manuel, je reconnais cette odeur entre sang. C'est bien celle des gaufres industriels préparés dans l'allée des terrasses du port. Et nous serrons une main, chers amis. Oh, quelle main! Chers amis, c'est bien celle de Jean-Pierre Pape. Vêtu d'un t-shirt Kipstan, on sent une promo de Noël de moins 30% sur les produits football d'un magasin. Du magasin, je vois des milliers d'enfants autour d'arbres géants. Je sens des odeurs de vin chaud. C'est fou, nous sommes partout à la fois, je le comprends maintenant, nous sommes partout, chers auditeurs. Magic, c'est extraordinaire ce que vous nous faites vivre, c'est impensable. En même temps, le Père Noël ne peut pas être en tous ces endroits en même temps. Ce qu'on raconte ne peut pas être vrai, Magic. En tous ces endroits, Manuel, et tant d'autres. J'ai l'impression d'être au Futuroscope, des milliers d'écrans 3D devant moi, Emmanuel. Avec les saveurs, avec les odeurs, les sons, le Père Noël est partout. Il voit tout, le Père Noël. C'est la Bielsa mobile, Emmanuel. Il est merveilleux. Magic, je vois que votre réserve d'oxygène diminue dangereusement. Il faut peut-être penser à votre processus d'expulsion maintenant. Vous vous en sentez capable? Écoutez, Emmanuel, il va m'être difficile de quitter cette aventure hors du commun, mais il le faut, vous avez raison. Je me dirige dès à présent vers mon point de départ. Venez me récupérer dans 5 minutes. Ouais, très très bien, Magic, notre équipe est déjà en place. Bon retour. À tout de suite. Je rends l'antenne. Hey, quelle expérience nous venons de vivre, Magic, en direct du Père Noël. On va le récupérer et il va revenir en plateau. On va voir dans quel état. Ouais, dans un. Bah écoutez, il a l'air d'avoir. Bah, un mais il est rentré par où? Ah, il commençait visiblement, d'après ce que j'ai entendu, par un ensemble de salles lumineuses. Il s'attendait à une sorte de long couloir, un peu sombre, mais finalement, c'est pas là. C'était lumineux. On va, du coup, je sais pas trop quoi en dire. C'est visiblement, c'est une vraie révélation. Le Père Noël, d'abord, nous le savions, existe, mais en plus, il est effectivement omniscient. Voilà, omniscient. Il a le don d'ubiquité. Comment. Il est actuellement au TDP. Au TDP, entre autres, vous n'avez pas écouté. Il est partout. Entre autres, on va, j'espère maintenant que nous, on va récupérer Magic, bien sûr, et on va essayer de contacter le docteur Lehmann. Je ne sais pas si c'est possible. Allô, docteur, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, docteur? Oui, je vous entends. On vous écoute pour votre chronique. Dans la photographie de ce vieux Zidane, 3 milliards de foot tricotent comme des ânes. C'est sympa, c'est marrant, mais comment marquer quand l'OM et ses chèvres n'auront plus de lait? On arrêtera nos dribbles et nos roucoulettes, distribuant en fauteuil, mais sans les roulettes. Et on fera des passes sans langue de pute, quand l'OM et ses strates iront droit au but. Moi, j'aurai des implants, un max de pognon, mais n'aurai plus le sang pour l'OM champion. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain. Tout petit bout d'homme qui tend la main. On jouera sur la plaine, une seringue dans le bras. Une puce dans le cerveau guidera nos pas. Et on lèvera les mains pour plaire aux parents. Quand l'OM sera champion en l'an 2100. Moi, j'aurai bien des tourments, tu m'en diras tant, quand t'auras tes 20 ans en l'an 2100. À vapeur ou à voile, on lèvera le phoque, accroché au comptoir, mordant dans nos bocs. On ne prendra plus de gants, on n'aura plus de reins, sans prendre notre pied dans l'an 2100. Dans la photographie de ce vieux Zidane, 3 milliards de foot tricotent comme des ânes. C'est sympa, c'est marrant, mais presque indécent. Pour nouer nos manettes en l'an 2100. Foot part en escalope, sauce milanaise. Vague souvenir de Munich de 93. Sur une pelouse rouge comme dans la Ruffian. celle du foot d'aujourd'hui, de l'an 2100. Bravo, bravo docteur, merci, merci à vous pour cette chronique qui vient du lointain. Où êtes-vous actuellement docteur? Je suis dans mon salon, voilà, mon charmant petit garçon est en train de me conspuer puisque je ne lui réponds pas. Mais oui, c'est le jour de Noël, donc il a besoin de vous aujourd'hui. Exactement, exactement, il était obligé de découvrir les cadeaux sans moi. Il me consacre à l'émission, s'il te plaît mon garçon, tais-toi, laisse-moi travailler. Voilà. Écoutez, merci docteur, on va vous laisser en famille, on va bientôt je crois récupérer Magic, Magic qui revient me semble-t-il d'un direct du Père Noël. Magic est là parmi nous. Bravo Magic. C'était une belle expérience, hein. Racontez-nous un petit peu maintenant que vous êtes à l'air libre, vous avez retrouvé votre forme. Écoutez, c'était vraiment en termes de sensations, c'était quelque chose d'assez rare. J'en ai, excusez-moi, je m'essuie encore un petit peu parce que c'était. Vous sentez un petit peu. Vous sentez oui. Alors je m'en rends pas compte, moi. Excusez-moi. Et Magic, avec vous ce soir, nous essayons de savoir le plus précisément possible qui est le Père Noël, de percer le secret de cet homme mystérieux. Mmh. Tout à fait, Manuel. Un homme bien mystérieux de par ses accointances avec le monde financier. Il nous l'a avoué, mais aussi, comme vous l'avez vu, par le don unique qu'il possède, celui de l'ubiquité, comme j'ai pu l'observer en intégrant son intimité. Mais peut-être son secret le plus terrible, Magic, serait celui par lequel il arrive à pénétrer l'ensemble de ses maisons le soir de Noël. D'autant plus, Manuel, que beaucoup de ces maisons ne possèdent aujourd'hui pas la moindre cheminée. En effet, Magic. Mais avant de dévoiler ce que nous savons, revenons sur une affaire sombre du football, qui est apparue dans la presse récemment. Une affaire qui, nous le verrons, sera une clé pour notre enquête. Rappelez-nous les faits, Magic. Nous sommes dans la nuit du 18 novembre, dans les rues de Manchester, Angleterre. La chaussée est luisante, l'air très frais, et un homme roule au volant de sa voiture de luxe. Il roule trop vite, assurément. Et c'est pourquoi il est contraint de stopper lors d'un contrôle de police. Cet homme, Magic, c'est qui? Il s'agit de Yaya Touré, 33 ans, joueur professionnel du club de Manchester City. Sa conduite professionnelle a le plus souvent été jugée irréprochable, et c'est donc un grand étonnement pour les deux représentants de l'ordre qui découvrent son identité. On peut imaginer qu'un homme de sa notoriété n'a pas été très embêté par la police. Étonnamment si, mon cher Manuel, car les policiers ont rapidement constaté l'étrangeté du comportement de Yaya. Il portait une casquette du FC Metz ? Non, l'alcool, Manuel. Il l'empestait tout simplement. Résultat, 18 mois de retrait de permis et une sévère amende. Mais reprenons le fil, si vous le voulez bien. Quel rapport avec le Père Noël et avec son secret ? Eh bien, c'est plus simple qu'il n'y paraît, mais reparlons tout d'abord de ces cheminées. Celles par lesquelles le Papa Noël est supposé entrer dans les chaumières pour déposer des cadeaux pour les enfants du monde entier. Il est en effet suspect de constater qu'elles sont aujourd'hui absentes de la plupart des logements. Surtout depuis la loi royale, interdisant les feux de cheminée responsables, selon les experts, de l'excès de pollution dans l'air. Il faut donc se résoudre à l'idée que le Père Noël ne pénètre aujourd'hui plus par cet orifice. Il possède un sésame ? Pas besoin. Lors de l'interview que j'ai réalisée auprès de lui en Laponie, il m'a été facile de considérer l'armada de lutins dont il disposait aujourd'hui et la haute technicité de sa salle des commandes. L'explication est donc simple. Le Père Noël n'est autre que le général d'une armée de petites mains qui livre pour lui dans le monde entier, profitant de leur extrême petite taille pour s'immiscer dans toutes les maisons. Mais le problème est tout autre lorsqu'il s'agit de la maison d'une star de football. Vous voulez dire, Magic, que les villas surprotégées des footballeurs milliardaires devraient avoir depuis longtemps déjà capté l'irruption d'un Père Noël ou d'un de ses lutins? Or, c'est vrai qu'aucune vidéo de sécurité, aucune alarme n'a encore pu témoigner de cela et aucun enfant du monde n'a encore pu apercevoir la silhouette du saint homme. En effet, Manuel, et c'est là que l'affaire Yaya Touré nous éclaire sur sa façon d'opérer. Si le footballeur a été condamné, et ce, plutôt logiquement, à la lecture des faits, il a toujours nié avoir bu. « Je n'ai pas bu de mon plein gré », déclara-t-il au jury. Musulman de confession, il expliquait à la barre qu'il avait trop de secrets, trop de respect pour les préceptes de sa pratique religieuse pour les braver. Il est vrai que les états de service de Touré étaient jusqu'à ce jour irréprochables. Mais comment le croire, son taux d'alcoolémie parle pour lui. Peut-être, mais souvenez-vous de la jurisprudence Gasquet, Manuel. Yaya aurait bu malgré lui ? C'est ce qu'il affirme et c'est ce qui n'apparaît pas dans le dossier en tout cas. C'est qu'il n'était pas seul dans son auto cette nuit-là. Un homme l'accompagnait. On a son signalement ? Il est édifiant. Forte corpulence, barbe de métalleux retraité, petites lunettes rondes, une large ceinture en cuir sur une veste en laine rouge cramoisie. Le Père Noël, Magic. Tout porte à le croire, en tout cas Manuel. Ce que nous savons aussi, c'est que la nouvelle maison des Tourets, construite l'été dernier, est équipée du dernier cri de système de surveillance, que pas même une fourmi ne pourrait pénétrer le domicile sans être vue. Si je lis entre les lignes, Magic, vous voulez dire que vous soupçonnez le Père Noël d'avoir fait boire Yaya Touré afin d'obtenir les codes alarmes de sa résidence ? Manuel, nous verrons demain matin, mon cher Manuel. Si les enfants de Yaya ont leur cadeau ou non, si c'est le cas, j'y mettrai ma main à couper que... Oui. Magic, une fois de plus, les informations que vous avez glanées semblent édifiantes. En effet. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres du dispositif autour de cette table. Bah moi, je trouve que les 15 jours de vacances pris par Magic au mois de novembre lui ont fait un bien phénoménal. Il est revenu chargé, oui. Ah. Mais c'est étonnant, sur le, c'est-à-dire que l'activité du Père Noël, Magic, dépasserait le cadre de cette simple fête de Noël mercantile. Le Père Noël est réellement partout ? Je crois qu'on traverse dans notre époque une véritable crise des valeurs qui aujourd'hui se concrétise aussi dans la vie quotidienne et le comportement du Père Noël. Mais pourquoi fait-il ça ? Pour de l'argent ? Pour la gloire ? Je pense que l'argent et aussi l'information, la démultiplication de l'information fait qu'aujourd'hui toute valeur spirituelle est en train de s'altérer au goût cramoisi des immondices de chacun de nous. Il a joué un bon tour à Yaya Touré, en tout cas. Et il a fait Touré en boutique. En bourrique, pardon. Bah oui, c'est pourquoi pas. Faire tourner Touré en boutique. Ce sera peut-être le titre d'une prochaine émission c'est pour possible. 2017. Pour nos auditeurs de Débattons d'Anguirou, je pense qu'il va être l'heure de se quitter, quasiment, hein, de remercier tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, et peut-être de penser à lancer donc à, voilà, ce qu'on avait prévu de faire, effectivement, et vous faites bien de me le rappeler en régie. Étant donné que le Père Noël n'a pas répondu favorablement à notre demande de mobilette, nous allons lancer sur notre compte Facebook, que vous êtes nombreux à liker chaque jour, bien sûr, un appel à financement participatif, à mobilette participative, hein, c'est bien ça, mon cher Brett ? Tout à fait. Bah oui, en absence de dons du Père Noël de Grette, on va faire appel à vous, auditeurs et auditrices, et à vos mobilettes. Voilà. En absence de Don D, voilà, c'est pareil, vous n'étiez pas là non plus. Don D, joyeux Noël, une fois de plus. Mais joyeux Noël à vous, Manuel Amor. Et à tout le monde. Et Magic, également joyeux Noël. Joyeux Noël. Bravo pour cette enquête que vous avez menée de bout en bout. Oh, je suis prêt à braver toutes toutes les aventures. On se retrouve donc l'année prochaine, mon cher Brett, avec plein de nouveaux sujets. Je crois que le coach depuis l'Angleterre nous envoie une liste de sujets tous plus prometteurs les uns que les autres. Il voulait faire débattre en Anguirou sous la douche. Sous la douche, ouais. Fisk fucking, tout un tas de choses très très intéressantes. On se quitte en chanson, je crois. Bah oui, joyeux Noël à tous. On va chanter pour finir ce joli dimanche. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé. Allez, donnez. Ce soir ensemble on va chanter. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Le Père Noël n'a pas de traîneau. Le fond de l'air est bien trop chaud. Ici les les portes sont toujours ouvertes.